to get some sleep. Try to get some sleep. Moi, je vais chanter ou pas. Ça veut dire quoi, la traduction? Essayez de dormir. Essayez de dormir. Ah, je ne peux pas pleurer. And there was silence when I was playing. Don't play that song for me. Don't play a song for me. Love me tender, love me so. Love me tender, love me so. Mais c'est pas Justin Bieber qui a fait cette chanson. Love me tender. Do you know this song? Il n'y a pas les paroles là-dessus? Love me tender, love me. Il n'y a pas les paroles. Arrête, patiente. Elle est où les paroles? J'arrive pas à trouver les paroles. Love me tender. Love... Oh merde, c'est les paroles lyriques. Oh non, oh non. Love me tender, love me so. None stay on. Love me tender, love me sweet. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. C'est pas. Je ne sais pas. C'est qui joue la guitare? Il y en a un qui envoie un truc. Attends. Qui c'est qui choisit là? Static. Static, vas-y. Si, pas tout seul. Envoie. Ah, mais je l'ai pas, ça. Ah, non, mais je vais pas faire ça. Ça, faut pas le massacrer, ce morceau, il est trop beau. Statique. Mister Statique. Statique. Au lieu de gratter ta guitare, au lieu de caresser ta guitare. Arrête de caresser ta guitare. Statique. Ne reste pas statique. Statique, il est de quel statique. Je le trouve pas. Statique, c'est Israël. Oh, mes amis d'Israël. I love Israël. À Israël, on parle quoi en fait? La langue d'Israël, c'est quoi? Statique, what's your language? Quoi, israélien? Est-ce qu'il y a l'israélien en traduction? Israélien? Non, il n'y avait pas israélien. Hébreu, israélien. Hébreu, voilà. Thank you.